Ouais, c'est moi. Je sais que c'est bizarre de recevoir un message vu que t'es dans la pièce d'à côté, mais je pensais à la naissance là, vu que c'est dans quelques mois. Et je commençais à sérieusement flipper. Et je sais pas, fallait que je te partage ce qui se passe dans ma tête. Ça me paraissait plus simple comme ça. Dans quelques mois. Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Dans quelques mois. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. Dans quelques mois. Sur la liste des erreurs que je pourrais faire. Dans quelques mois. Un artiste torturé, ça fabrique des chefs-d'œuvre. Un papa torturé, ça gâche une vie. Tu sais bien comment je suis. J'laisse tout tomber, je suis pas sûr d'assurer sa survie. Imagine, je le vois, je l'aime pas. Imagine, ça me fait rien, j'ai pas d'empathie. Imagine, je l'oublie, je rentre, je t'entends dire chérie, qu'est-ce que t'as fait du petit? C'est un cauchemar, je te jure, c'est sûr, on va le traumat. Tu l'enfermes dans sa chambre quand il a 2 ans. 30 ans plus tard, t'es un psychopathe. Je suis déjà au bord du burn-out. Qu'est-ce que tu veux que je gère une autre life? Imagine, on le rate, imagine le métissage. Je prends le pire de nos deux races. Imagine, il prend que nos défauts. Imagine mon ego et ton caractère. Il prend la mauvaise foi de mon père et il fait des histoires comme ta mère. Je sais même pas faire une machine. Pourquoi tu voudrais me confier sa vie? Si je couvre trop, j'en fais un fragile. Si je couvre pas assez, je fais un nazi. Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. Je fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. J'fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Quand j'écris, je commence par faire un brouillon. Imagine là, c'est pareil. Imagine les nuits sans sommeil. Imagine la fatigue nous séparer. Paraît qu'à la première année, y'a plus de chances de divorce. Imagine, j'fais de mon mieux, mais j'suis pas fait pour ça. Imagine, c'est juste au-dessus de mes forces. Et si ça se passe mal à l'école? Les enfants maintenant sont féroces. Imagine, il se fait jamais de pote. Il est seul et triste comme quand j'étais gosse. Même si passe enfant sur à l'adolescence, cette période où tu regrettes ta naissance. Je veux pas vivre le sexe, l'alcool, les drogues, l'insolence. J'ai peur d'être un père absent, j'ai peur de faire les erreurs de nos parents, voire pire. J'ai peur de craquer, de redevenir celui d'avant. Des ex au sport, aux potes, est-ce que tu sais tout ce que j'ai laissé tomber? J'ai peur de laisser tomber, peut-être qu'on s'est trompé. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je sais même pas comment je vais savoir l'élever. Je fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. Je fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Dans quelques mois.